Chapitre 8e. Les péripéties de ce procès émouvaient à tel point la population charentaise que la discussion qui venait d'avoir lieu entre le ministère public et la Défense eut son contre-coup dans la ville. Le soir même, des rixes graves avaient lieu sur différents points, et quand, le lendemain, les accusés furent conduits au palais, ce fut par les insultes les plus grossières et les marques de sympathie les plus bruyantes qu'ils furent accueillis tout le long du chemin. Une explication tout amiable a eu lieu la veille, à la sortie de l'audience, entre maître de Sèze et monsieur le procureur de la République, Bardi de Lille. À l'ouverture de la séance, l'avocat de madame du Sablon déclare qu'il n'a pas un seul instant pensé à insinuer qu'une tentative de séduction ait pu avoir lieu de la part de monsieur Bardi de Lille, et ce dernier assure de son côté qu'il n'a jamais pensé accuser le représentant du peuple dont on a parlé, monsieur Mathieu Baudet, parent de madame du Sablon, d'user de l'influence que lui donne sa position pour agir soit sur les témoins, soit sur les jurés. L'incident vidé, la parole est donnée au ministère public. Dans une remarquable improvisation que nous regrettons de ne pouvoir donner tout entière, M. Bardi de Lille peint l'immuable justice en présence du prêtre indigne qui croit abriter son infamie derrière le respect dû à son sacerdoce. La justice n'hésitera pas. Le scandale dont on veut l'effrayer, le scandale n'est pas dans la répression, il serait dans l'impunité. Un prêtre indigne a souillé par l'adultère une maison honorée. Une servante a surpris ce secret redoutable qui menace au maître d'une irréparable dégradation. Ce témoin qui peut le perdre, cette femme obscure qui le gêne, doit disparaître. Il faut qu'elle meure, elle mourra. Mais ce cadavre pèse au meurtrier. Il n'aura pas de repos qu'il n'ait effacé de sa demeure, de son souvenir, les derniers vestiges de son crime. Par une équivoque de date, il s'assure que les enfants de la malheureuse Fanny ne viendront pas le troubler. Il l'a fait inhumer à la hâte, presque clandestinement, et lorsqu'ils arrivent, ils surprennent sur son visage cette empreinte que Dieu lui-même, gardien de l'éternelle justice, grave sur le front des coupables. Passant à madame du Sablon, le magistrat croit qu'elle a cédé à l'influence de Gotland, et sans autoriser l'impunité pour la complice, le ministère public réclame lui-même l'indulgence du jury pour la femme égarée. Ce n'est que le lendemain, 5 décembre, que les défenseurs répliquent au réquisitoire du procureur de la République. Maître Gorgeon prend le premier la parole. Résumant l'accusation, il s'applique à en combattre un à un tous les arguments. Quand même Fanny eût été témoin des relations de Gotland avec madame du Sablon, quelle si grande crainte devait-il donc avoir d'elle? Croit-on les calomnies d'un valet chassé? Et d'ailleurs, l'adultère, qui le prouve? Fanny seule en a parlé, et quand? Après une querelle avec son maître. Qui vient noircir la moralité de Gotland? Demande ensuite maître Gorgeon. Mais non. Firmant Rideau, l'hôte. Pour que l'accusation écoute de semblables témoins, il faut qu'elle soit bien à court de preuves contre l'accusé. Sortons donc de cette fange, s'écrie l'avocat. Les miasmes sont malsains pour la justice, mais quand l'accusation puise à de telles sources, pourquoi se blâme ses soupçons contre d'autres témoins? Maître Gorgeon nie les relations intimes de Gotland avec madame Allier. Relation que M. le curé de Charolles n'a découverte que le jour où les vicaires n'ont plus voulu prendre leur pension chez lui. Quant à la correspondance, les interprétations seules ont pu l'envenimer. Le défenseur nie l'empoisonnement. La science s'est déjà trompée et peut se tromper encore. Et quand même la science dirait juste cette fois, qu'a-t-on à reprocher à Gotland? La seule chose que Fanny ait reçue de lui, le verre de vin blanc, il le lui a donné devant tout le monde. Empoisonne-t-on avec autant de tranquillité? Enfin, où Gotland eut-il pris le poison? Chez M. du Sablon? Mais le médecin avait la clé de son secrétaire dans sa poche, et puis rien ne prouve que l'arsenic ait été livré le 16 décembre. Les livres de M. Cruton-Robert disent le 17. Il faut qu'on s'en rapporte à ce qui est écrit. D'ailleurs, on a vu Fanny, le 19 décembre, sortir de chez M. du Sablon. On dit qu'elle n'a pas, ce jour-là, pris les 20 grammes d'arsenic. Elle qui a confié à 10 témoins qu'elle voulait en finir avec la vie, elle que Jeanne Berg a vu avaler une poudre blanche cachée au chevet de son lit, elle que ses enfants avaient en quelque sorte chassée de chez elle. Malheureusement, le défenseur appuie les plus forts arguments de son plaidoyer sur les faits erronés ou douteux et glisse avec une habileté très grande, il est vrai, mais qui ne parvient pas à les faire oublier, sur les circonstances qui gênent son système de défense. Ainsi, il pose comme n'ayant été livré que le 17 décembre les 45 grammes d'arsenic qui, de l'aveu de tout le monde, étaient en la possession de M. du Sablon depuis le 15. Ainsi, il pose comme abandonné de tous, se trouvant sans feu ni lieu, réduite au désespoir, la veuve de Guizal, que son fils comblait d'amitié, de prévenance, de cadeaux, et qui avait encore un loyer à son nom à Angoulême. Maître Casimir de Sèze parle ensuite pour Madame du Sablon. Il considère sa cliente comme abandonnée déjà par le ministère public et absoute par les jurés. Il croit donc n'avoir plus à la disculper qu'aux yeux du monde, et il déclare sa tâche facile. La plus belle preuve de l'innocence de Madame du Sablon, c'est l'amour constant et inébranlable de son mari, amour qui l'a poussé à mourir plutôt que de la soupçonner. Après le résumé des débats, M. le Président pose au jury les quatre questions suivantes. Premièrement, Laurent Gotland est-il coupable d'avoir attenté au jour de Fanny de Guizal en lui donnant des substances pour en causer la mort? Deuxièmement, Laure Goupillot, femme du Sablon, est-elle coupable du même crime? Troisièmement, Laure Goupillot, femme du Sablon, est-elle coupable de complicité dans ce crime en fournissant à Gotland les substances qui ont donné la mort avec connaissance de l'usage qui devait être fait de ces substances? Quatrièmement, Laure Goupillot, femme du Sablon, est-elle coupable d'avoir aidé avec connaissance de cause à l'empoisonnement commis par Gotland? Messieurs les jurés se retirent dans la salle des délibérations. Il est 6 heures du soir. La foule encombre non seulement la salle d'audience, mais encore la place du Mûrier, d'où partent à chaque instant des interrogations sur ce qui se passe, et des cris, des menaces, des insultes à l'adresse des accusés. L'autorité, dans la crainte que cette foule ne se porte à quelque acte de violence, a cru prudent de faire doubler les postes et consigner la troupe à la caserne. Les accusés restent à leur banc. Madame du Sablon, affaissée, à demi évanouie dans les bras de son mari, entourée de ses parents, de ses amis. Gotland, seul mais souriant et tranquille, cause avec les gendarmes et leur dit en plaisantant qu'il va avoir bientôt à se séparer d'eux. 8 heures sonnent, le jury rentre. Les gendarmes font retirer les accusés dans un couloir voisin. Le verdict du jury est affirmatif sur la première question, négatif sur les 3 autres. À la lecture de la décision du jury, un frémissement de colère parcourt tout l'auditoire. Une rumeur profonde, des coups de sifflet se font entendre, et c'est à peine si Monsieur le Président peut annoncer la mise en liberté de Madame du Sablon qu'on emporte évanouie. Gotland paraît à son tour. Le malheureux laisse échapper un mouvement de joie à la vue du bambi de Madame du Sablon. Il n'écoute pas le verdict, et ce n'est qu'au moment où Monsieur le Président lui demande s'il a quelque chose à dire au sujet de l'application de la peine qu'il pâlit, chancelle et s'écrie « Mais, Monsieur le Président, je ne suis pas coupable, moi !» Et des larmes, pour la première fois, se faisant jour, le misérable retombe anéanti sur son banc et pleure amèrement, tandis que la cour prononce contre lui la peine des travaux forcés à perpétuité. Satisfait enfin, la foule s'écoule en silence et s'ouvre sans insulte, cette fois, pour laisser passer le condamné. Le 30 janvier 1851, la cour de cassation, sur les conclusions de M. le procureur général Dupin, rejetait le pourvoi de Laurent Gotland, qui alla mourir sur le navire qui l'emportait vers la colonie pénitentiaire de Cayenne. Quant à Madame du Sablon, elle quitta le pays avec son mari et la fidèle Jeanne Berg, qui fut acquittée 3 mois plus tard du chef de faux témoignage sur la plaidoirie de Maître Gorgeon. Ainsi se termine ce drame, qui eut le privilège de passionner ainsi au point toute une contrée et dont la population charentaise garde encore aujourd'hui le souvenir. Ainsi s'achève Laurent Gotland, l'empoisonneur, par Georges Grison.